Genèse chapitre 23. Or Sara vécut 127 ans, ce sont là les années de sa vie. Et elle mourut en Kirjatarba, qui est Hébron, au pays de Chanaan, et Abraham vint pour plaindre Sara, et pour la pleurer. Et s'étant levé de devant son mort, il parla aux Éthiens, en disant, « Je suis étranger et forain parmi vous, donnez-moi une possession de sépulcre parmi vous, afin que j'enterre mon mort, et que je l'ôte de devant moi. » Et les Éthiens répondirent à Abraham, et lui dirent, « Mon Seigneur, écoute-nous, tu es parmi nous un prince excellent, enterre ton mort dans le plus distingué de nos sépulcres, nul de nous ne te refusera son sépulcre, afin que tu y enterres ton mort. » Alors Abraham se leva, et se prosterna devant le peuple du pays, c'est-à-dire, devant les Éthiens, et il leur parla, et dit, « S'il vous plaît que j'enterre mon mort, et que je l'ôte de devant moi, écoutez-moi, et intercédez pour moi envers Éphron, fils de Tsoar, afin qu'il me cède sa caverne de Macpéla qui est au bout de son CH, qu'il me la cède au milieu de vous pour le prix qu'elle vaut, et que je la possède pour en faire un sépulcre. » Or Éphron était assis parmi les Éthiens. Éphron donc, Éthien, répondit à Abraham, en présence des Éthiens qui l'écoutaient, savoir, de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, en disant, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne aussi la caverne qui y est, je te la donne en présence des enfants de mon peuple, enterre-y ton mort. » Et Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla à Éphron, tout le peuple du pays l'entendant, et lui dit, « S'il te plaît, je te prie, écoute-moi, je donnerai l'argent du champ, reçois-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Éphron répondit à Abraham, en disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, la terre vaut 400 sicles d'argent entre moi et toi, mais qu'est-ce que cela? Enterre donc ton mort. » Et Abraham ayant entendu Éphron, lui paya l'argent dont il avait parlé, les Éthiens l'entendant, savoir, 400 sicles d'argent ayant cours entre les marchands. Et le champ d'Éphron, qui était en Macpéla, au devant de Mamré, tant le champ que la caverne qui était, et tous les arbres qui étaient dans le champ, et dans tous ses confins tout autour, tout fut acquis en propriété à Abraham, en présence des Éthiens, savoir, de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Et, après cela, Abraham enterra Sara, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, au devant de Mamré, qui est Hébron, au pays de Chanaan. Le champ donc, et la caverne qui y est, fut assuré par les Éthiens à Abraham, afin qu'il le possédât pour y faire son sépulcre.